إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours 14 dans l'explication du livre Fadlul Islam avec le sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on est arrivé donc au chapitre du livre où le Cheikh explique le danger de la bid'a et le fait que la bid'a elle est plus grave que le péché parmi les grands péchés. Et là, on est arrivé à un hadith où le Cheikh mentionne un point important justement. وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. Donc le Cheikh il dit selon Jarir ibn Abdullah رضي الله عنه, il dit qu'un homme a fait une sadaqa, il a fait une aumône, il a donné en charité, puis les gens se sont suivis les uns après les autres après lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une bonne action dans l'islam, il aura sa récompense et il aura la récompense de tous ceux qui ont appliqué ou pratiqué cette bonne action-là après lui, sans que cela ne diminue de ses bonnes œuvres en quoi que ce soit. Et celui qui fait dans l'islam une mauvaise action, alors il aura le poids de cette mauvaise action et le poids de tous ceux qui ont appliqué ou agi selon cette mauvaise action-là après lui, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit de ses péchés à lui ou de son poids à lui. Ça, c'est rapporté par Muslim dans son Sahih selon Auf ibn Malik. Donc, on va voir qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan il explique, parce que souvent les gens de bid'a ils essaient d'utiliser ce hadith pour essayer de justifier les innovations qu'ils font, et c'est étonnant de voir comment ils peuvent essayer d'utiliser ce hadith là comme preuve pour justifier des innovations ou des bid'a, alors que au contraire le hadith il vient interdire les péchés et les désobéissances, et il vient mentionner les conséquences du fait qu'on appelle à un péché ou à une désobéissance ou à une bid'ah. Donc, on va voir qu'est-ce que le Cheikh explique de ce hadith. Il dit, سبب هذا الحديث أنه جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدا عليهم الفقر والحاجة وملابسهم رثة أو رثة يعني مو يسي. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنه كان عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة فلما رأى حالهم وبؤسهم وفقرهم رق لهم صلى الله عليه وسلم فنادى بالصلاة ثم اجتمع الناس ثم خطب صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ورغب فيها فجعل الناس يتصدقون فهذا يتصدق بالقبضة من الطعام وهذا يتصدق بكذا وكذا حتى جاء رجل معه صرة صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فتهلهل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك سرورا عظيما وتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل فنشطوا على الصدقة وتتابعوا عليها حتى اجتمع شيء كبير أو كثير من الصدقات عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لأن هذا الرجل سن سنة حسنة واقتدى به الناس وتصدقوا. Donc le cheikh explique, il dit que la cause de ce hadith, c'est que des gens sont venus de la tribu de Mudar et ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et on pouvait voir sur eux des signes de pauvreté et des signes de besoin, c'est-à-dire qu'ils étaient très très très pauvres hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que leurs vêtements étaient déchirés, étaient vraiment des vêtements pauvres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti vraiment de la pitié pour eux hein? Et il s'est senti vraiment mal pour eux dans l'état dans lequel ils étaient. Alors il a fait appelé à la prière et les gens se sont tous réunis dans la mosquée. Puis il a fait un discours et il s'est adressé aux gens et il leur a ordonné de faire des aumônes et de la charité pour ces gens-là. Il les a incités, hein, il les a invités à donner fi sabilillah et à donner en sadaqa. Et donc il y en a un qui arrivait et donnait une poignée de nourriture, l'autre il venait avec une autre sadaqa. Mais il donnait au début juste des petites affaires, hein, des petites choses, c'était pas suffisant. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était pas satisfait. Puis tout d'un coup, il y a un homme qui s'est levé avec un sac dans lequel il y avait des pièces d'or. Et il dit que ce sac avec les pièces d'or, il était tellement lourd que sa main avait de la difficulté à le prendre. Et il l'a mis devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le visage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est illuminé. Et il a été tellement réjoui et tellement content que, on a vu son visage s'illuminer et il était souriant, il était content de ça. Et après que cet homme-là s'est levé pour donner ce sac d'or, tous les gens se sont levés. Un à la suite de l'autre, commençait à donner des sadaqas parce que ils ont vu qu'est-ce que cet homme-là a donné, ça les a encouragés à donner en sadaqa. Et ils ont vu la réaction du messager sallallahu alayhi wa sallam qui était content. Alors ils se sont tous précipités ensuite, les uns après les autres, commençaient à donner des sadaqas jusqu'à ce qu'on ait rassemblé une grosse quantité de sadaqas en plein milieu devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Donc, à partir de ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dans l'islam fait une bonne action, il aura la récompense de cette bonne action et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi en la faisant. Et ça, c'est l'exemple donc d'un homme qui a fait une bonne action, comme donner une sadaqa, puis les gens l'ont suivi dans cette bonne action-là, ils ont imité son exemple. Donc il aura la récompense de tous ceux qui ont donné en sadaqa après lui parce que c'est lui qui les a incités et c'est lui qui les a motivés à le faire. Donc est-ce que dans ça il y a une invitation à faire des bid'ahs? Hein? Non. Parce que qu'est-ce que cet homme-là a fait? Ça fait partie de l'islam. Ça fait partie de l'islam puisque c'est une sadaqa qu'il a donnée. Il n'a pas inventé quelque chose de nouveau dans l'islam. Donc, ces gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le hadith, ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sanna fil islam sunnatan hasana » Le hadith dit « Celui qui fait une sunna hasana » Une sunna, c'est-à-dire une bonne action. Hasana, qui est bonne. Hein? Une sunna hasana. Et dans l'autre partie du hadith, il dit « Celui qui fait dans l'islam une sunna sayyi'a » c'est-à-dire une mauvaise action. Eux, ils ont essayé d'interpréter en voulant dire, donc il y a des bonnes sunnas, il y a des mauvaises sunnas, donc ça veut dire il y a des bonnes bid'ahs et des mauvaises bid'ahs. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'interpréter le hadith. Sauf que le hadith n'a rien à voir avec la bid'ah du tout. Puisque le hadith parle de faire une bonne action, et le terme sunnah employé dans le hadith, c'est pas dans le sens de la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le sens de sunnah, dans le sens d'une voie. Hein, comme on dit en arabe, as-sunnah hiya tariqa. C'est la tariqa, c'est-à-dire un chemin, une voie. Et la preuve que c'est pas la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est que on peut pas dire une mauvaise sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que dans la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a des mauvaises sunnahs? Toutes les sunnahs sont bonnes. Donc ça, c'est la réponse à ces gens-là qui prétendent qu'il y a des bonnes sunnahs, qu'il y a des bonnes bid'ahs. Il n'y a pas de bonnes bid'ahs. Toutes les bid'ahs sont mauvaises. Et ce hadith-là, il vient confirmer que toutes les bonnes actions qui sont en accord avec l'islam, hein, qui font partie de la sunnah, si tu les fais, tu auras de la récompense et la récompense de ceux qui t'ont suivi. Et si tu fais un péché ou une bid'ah ou n'importe quelle autre chose qui est mauvaise, qui est contraire à l'islam, et que les gens te suivent dans ça, eh ben, non seulement tu auras le péché de l'avoir fait, mais tu auras également le péché de tous ceux qui t'ont suivi après, qui ont été influencés par toi. À cause de toi, ils ont fait ce péché-là. Donc tu auras ce péché-là et le péché de tous ceux qui t'ont suivi dedans. Hein? Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, hein, et en même temps, dans ça, il y a une incitation donc à donner pour les pauvres, à aider les pauvres, à faire des sadaqat et à s'encourager à faire ça. Ensuite, le Cheikh, il dit, « Wa ma'na, sanna fil islami sunnatan hasana, ya'ni ahya sunnah, li'anna sadaqa sunnah, wa hadha rajul ahyaha, fa'ata bimalin kathir, wa tashajja al-nas, وتتابعوا للصدقة فكان هو السبب في هذا فله أجرها وأجر من عمل بها وهذا عام وأما سبب الحديث فهو هذه القصة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا الحديث عام في كل من فعل خيرا واقتدى به الناس في ذلك الخير أيا كان هذا الخير إذا اقتدى الناس به فيه أصبح قدوة حسنة فله أجر عمله وأجر من اقتدى به فله أجر عمله وأجر من اقتدى به لشيخ الزيدونك que celui qui fait une bonne action dans l'islam, c'est-à-dire qui fait revivre une sunna, comme la sadaqa, c'est une sunna. Et cet homme-là, il a fait revivre cette sunna. Donc, il a ramené beaucoup d'argent. Et les gens se sont, disons, ils ont été encouragés à donner à cause de cet homme. Et ils se sont tous suivis, les uns après les autres, pour donner en sadaqa. Donc, il a été la cause dans cette action, dans cette bonne action que les gens ont faite. Et donc, il aura la récompense de l'avoir faite et il aura également la récompense de tous ceux qui l'ont suivi. Et ça, c'est général. Même si le hadith est spécifique pour une cause en particulier, dans le sens que le hadith parle de la sadaqa, mais le hadith est général pour toutes les bonnes actions que quelqu'un fait. C'est pas seulement pour la sadaqa. Donc si par exemple quelqu'un, par exemple, il a mémorisé le Coran, et puis il l'enseigne. Toi, tu vois ça, et les gens voient ça, ils disent, ah, moi aussi, j'ai envie de mémoriser le Coran, j'ai envie d'apprendre le Coran, et ils commencent à apprendre le Coran, à cause de ça, ils auront toute la bonne récompense. Ou bien, par exemple, une femme musulmane, elle commence à porter le niqab, et là, les autres sœurs, elles voient ça, elles disent, ah, ça, mashallah, c'est bien, j'ai envie de le faire moi aussi. Donc, la sœur, elle a la récompense d'avoir porté le niqab, et elle a la récompense de toutes les sœurs qui l'ont suivi dans cette bonne action-là. Donc, ça c'est quelque chose d'un bon exemple, et c'est général pour toutes les bonnes actions, pas seulement pour la sadaqa. Et donc, le cheikh, il dit, et ça, dans ce hadith, donc, il faut comprendre la règle en arabe, « Al-ibratu bi'umumil lafz, la bi khusus as-sabab ». Ça c'est une règle, dans les livres qu'on retrouve dans les paroles des ulama, des règles de qawa'id al-fiqhiyya et dans les règles de tafsir et dans les règles de usul, les ulama ils mentionnent souvent cette règle, c'est-à-dire que on doit prendre en considération le sens général du verset et non pas la cause spécifique pour laquelle le verset a été révélé. Donc, le hadith il est général pour toute personne qui fait un bien quelconque et dans lequel les gens l'ont suivi, hein, pour faire ce bien-là. Donc, peu importe quel bien et que les gens t'ont suivi dedans, eh bien, tu auras la récompense des gens qui t'ont suivi. Et pourquoi? Parce que tu es devenu un bon modèle, un bon exemple. Et donc, tu auras la récompense, hein, pour ton action et pour ceux qui t'ont suivi dans cette action-là. Ensuite, il dit, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً هَذِهِ هِيَ الْبِدْعَةِ أي أحدث بدعة ليس لها أصل فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء فهذا فيه التحذير من البدع وفيه الحث على إحياء السنن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الذي أحيا هذه السنة وفيه التحذير من إحياء البدع وإحداث البدع وأن شرها لا يقتصر على من فعلها بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة طال الزمن أم قصر فهذا فيه التحذير من البدع وأنها سنن سيئة والمراد بالسنة في اللغة الطريقة. Donc le cheikh il dit, quiconque fait dans l'islam une mauvaise sunna, c'est-à-dire une mauvaise action, comme par exemple, ici il dit, une bid'a par exemple. Celui qui invente une bid'a, qui n'a pas de base dans cette religion, il aura son poids, c'est-à-dire il aura à supporter le poids de son péché et le poids de tous ceux qui ont appliqué cette bid'a après lui, sans que cela ne diminue rien de ses péchés à lui. Et donc, il y a dans ça un avertissement contre les bid'a, contre les innovations, et une incitation à faire revivre les sunan, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait les éloges de cet homme qui a fait revivre une sunna. Et il y a l'avertissement également contre le fait de faire revivre les bid'a et d'inventer des innovations. Et donc, que le mal, que celui qui fait des bid'a, hein, le mal qu'il fait ne se limite pas uniquement à lui seul, mais également, il aura également une portion du péché de tous ceux qui ont continué à faire cette bid'a après lui, même si le temps est long ou court, dans le sens que, même si c'est à court terme que les gens t'ont suivi, ou c'est à long terme, tu auras une portion du péché qu'ils ont commis du fait que c'est toi qui les as incités à le faire. Donc même si les gens, par exemple, il y a des gens qui inventent une bid'a et elles meurent quelques temps après, dans le sens qu'ils ont inventé une bid'a, il y a quelques personnes qui l'ont suivi et puis après personne a continué à la faire et elle est morte, cette bid'a. Donc elle est morte, donc tout le monde l'a oublié, il aura à porter son péché et le péché de ceux qui l'ont suivi, et puis après, quand elle est morte, bon, il n'y a plus personne qui l'a fait revivre, tant mieux, alhamdulillah, elle est finie cette bid'a. Mais il y a des bid'a des fois qui restent, malheureusement, et qu'elles continuent à être pratiquées pendant des années, des fois pendant des centaines d'années, et des fois pendant des siècles et des siècles. Donc il y en a des bid'a qui ont été inventées, des fois au 4e siècle de l'islam, ou au 5e siècle de l'islam. Et il y en a qui continuent encore aujourd'hui, hein, à les pratiquer. Ceux-là, ils continuent à avoir, ceux qui les ont inventés, ils continuent à avoir les péchés, une portion des péchés de tous ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au jour dernier, s'ils continuent à le faire encore aujourd'hui. Donc ça, c'est très grave. Et le cheikh, il dit, et donc il y a donc un avertissement contre les innovations parce que ce sont des mauvaises actions, des mauvaises sunan. Et le cheikh dit donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici par le mot sunnah? On veut dire, dans le sens linguistique, at-tariqa, c'est-à-dire la voie, le chemin, la manière, la méthode, la façon, hein, ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith, Il dit وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفْظُهُ مَنْ دَعَى إِلَى هُدًى ثُمَّ قَالَ مَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةَ. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, rapporté par Muslim, dans lequel il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invite à une guidance, et dans un autre dans la fin du hadith il dit, et quiconque invite à un égarement. Donc ça c'est dans la même trace ou dans le même sens que ce hadith, le hadith qu'on vient de lire. Il suit la même signification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, quiconque invite à une guidance, ok, et il dit par la suite qu'il aura donc la récompense de l'avoir suivi et de tous ceux qui l'ont suivi dedans, sans que ça diminue rien de ses bonnes œuvres. Et la même chose pour celui qui invite à un égarement, hein, il aura le péché de cet égarement et de tous ceux qui l'ont suivi dans cet égarement, sans que ça diminue en rien son péché à lui. Et le cheikh il mentionne le hadith au complet dans l'explication. Le cheikh Al-Fawzan il dit وَهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ دَعَى إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُسُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا ينقص من آثامهم شيئا هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الأجر لمن فعل ذلك أنه يحصل له أجره يحصل له أجره ويحصل له مثل أجورهم مثل أجور من اقتدوا به واستاروا على منهجه إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Donc le cheikh il dit que le hadith en entier que le cheikh a mentionné ici c'est le hadith suivant: quiconque invite à une guidance il aura la récompense comparable à la récompense de tous ceux qui le suivent. Il aura une récompense comparable à la récompense de tous ceux qui le suivent dans cette bonne action, dans cette guidance, sans que cela ne diminue rien de leur récompense à eux. Et celui qui invite à un égarement, il aura le péché de cet égarement-là, hein, et il aura également qu'est-ce qui est comparable au péché de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là, sans que ça diminue rien de leur péché à eux. Il dit que ça c'est pour nous indiquer quoi? Le mérite de la da'wah. Le mérite et le bienfait. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mérite et le bienfait de faire la da'wah et d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que la récompense de celui qui invite au bien, c'est qu'il va avoir la récompense pour le bien qu'il a fait lui-même, ou pour le bien pour lequel il a invité les gens à le suivre dans cette guidance, et il aura également qu'est-ce qui est comparable à la récompense de tous ceux qui l'ont suivi, et qui ont pris son exemple, et qui ont suivi son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et il mentionne le verset 33 dans Sourate Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah et qui fait le bien et qui dit je suis parmi les musulmans, je suis du nombre des musulmans. En voulant dire, il n'y a personne qui est meilleur que celui qui fait la da'wah à Allah, c'est le meilleur, il n'y a personne qui est meilleur que lui. Ça c'est ce que ça signifie. Le verset 33 dans Sourate Fussilat. Donc ça c'est un des versets qui incite les hommes, yarhamukallah, qui incite les musulmans à appeler les gens au bien et à inviter les gens au bien. Et malheureusement à notre époque, il y a très peu de gens qui invitent les autres au bien. Il y a des gens qui invitent au mal. Ça c'est, on en compte il y en a tellement qu'on ne peut pas les calculer, mais des gens qui appellent au bien, il y en a très peu. Et des fois, Allahul Musta'an, on est dans une situation dans laquelle on est capable d'appeler au bien et de rappeler à quelqu'un le bien ou d'interdire à quelqu'un le mal. Et puis on passe à côté de cette occasion-là. On passe à côté de cette occasion-là sans le faire. Et ça, c'est très dommage. Et il y a une règle chez les ulama qu'ils mentionnent, ils disent لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de retarder la clarification de quelque chose, du moment où cela est nécessaire. Lorsque c'est nécessaire d'expliquer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose aux gens, on ne peut pas le retarder à plus tard. Si c'est nécessaire de l'expliquer à ce moment-là, il faut l'expliquer à ce moment-là. Lorsque cette chose se produit devant toi, eh bien, c'est de ton devoir de l'expliquer, de clarifier. Bien entendu, si tu es capable. Si tu n'es pas capable et que tu es excusé, tu le fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa main, avec sa main en premier. Puis s'il ne peut pas, avec sa langue. Puis s'il ne peut pas, avec son cœur. Et ça, c'est le plus minimum de la foi, le plus bas de la foi. Mais, donc, c'est dans ce sens-là. Mais si tu es capable de changer le mal, tu le vois et tu ne fais rien, là, il y a un problème. Et des fois, on est dans la situation, Allah nous met dans une situation où on est capable de dire à quelqu'un le bien, on est capable de lui interdire le mal, puis on ne le fait pas. On passe à côté de cette opportunité-là, de faire le bien et d'ordonner le bien, et de le faire avec sagesse. Et on s'imagine des fois, ça sert à rien de lui dire, je lui dis et puis il va même pas m'écouter. Ça, c'est pas ton problème. Toi, qu'est-ce qui est important, c'est quoi? C'est que tu transmettes le message et que tu le fasses de la meilleure façon. Tu le dis de la façon la plus correcte possible pour que la personne ne se sente pas agressée, pour que la personne ne se sente pas rabaissée ou humiliée aussi, que tu n'es pas en train de faire le procès de cette personne, mais tu es seulement en train de lui rappeler quelque chose de bien pour elle et de lui rappeler de quelque chose qui peut être nuisible pour elle et mauvais pour elle, que tu lui veux du bien. C'est ça le but. C'est pas de lui faire son procès et de lui dire ah toi regarde qu'est-ce que tu fais là, c'est la honte, ya pourquoi tu fais ça, taqillah. Non, c'est pas la bonne façon. Il y a des manières de le faire. Tu sais mon frère, ça ce que tu fais là, est-ce que tu es au courant que cette chose c'est pas correct en islam? Peut-être que tu n'étais pas au courant, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit ça. Ou bien est-ce que tu es au courant que par exemple les ulama de l'islam ont clarifié cette chose et ils ont mentionné des preuves en disant que cette chose là elle n'est pas permise ou que cette chose-là, c'est pas correct de le faire. Si t'es pas au courant, peut-être que si tu veux, je peux te donner des informations à ce sujet-là. Tu me donnes ton email, je vais te transmettre ça, ou bien tu me donnes ton numéro, ou bien on se donne rendez-vous, puis je te ramènerai les informations, ou si tu veux, Inch'Allah, ainsi de suite. Donc, c'est dans le but de montrer à cette personne que tu lui veux du bien. Donc si la personne, après que tu lui aies dit correctement et que tu lui aies montré les choses correctement, la personne le prend mal, tu dis au moins moi j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que j'avais à faire, je lui ai dit, maintenant après c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu t'es déchargé de cette responsabilité là du moment que tu as fait ton possible. Toi, c'est juste le transmettre. Ensuite, donc c'est ça. Le cheikh il dit que si tu fais la da'wah et que tu invites les hommes à Allah, tu invites pas seulement les chrétiens à l'islam ou les juifs à l'islam ou les non-musulmans à l'islam. Il y en a qui pensent que la da'wah, c'est seulement que tu invites des non-musulmans à entrer dans la religion de l'islam. Ça fait partie de la da'wah. Mais c'est pas seulement ça la da'wah. La da'wah, c'est aussi d'inviter quelqu'un parmi les musulmans qui fait des péchés à abandonner les péchés et à revenir à la pratique de l'islam. Des gens qui ne pratiquent pas l'islam, tu les appelles à le pratiquer. Des gens qui font des péchés, tu les appelles à abandonner les péchés. Des gens qui font des bid'ahs, tu les invites à abandonner la bid'ah. Des gens qui ont une mauvaise compréhension de l'islam, tu les invites à corriger leur compréhension. Tout ça, ça fait partie de la da'wah. Quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui fait rien, tu lui invites à faire du bien. Ça fait partie de la da'wah aussi. Donc, c'est pas seulement que tu invites un kafir à entrer dans l'islam. Ça, c'est la da'wah. Puis le reste, c'est pas la da'wah. Non. Tout ça, ça fait partie de la da'wah. Ok? Donc, ça, c'est très important aussi. Le Cheikh, il dit ensuite, فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ فَضْلُهَا عَظِيمٌ وَخَيْرُهَا كَثِيرٌ وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات كالذي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة فإنه يدعو إلى ما يخالف الدين ومثلما هو حاصلنا الآن من الترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات فمن فعل ذلك فعليه إثمه وإثم من اقتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة هذا فيه التحذير من دعاة الضلال ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة لأن البدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالذي يدعو إلى البدع يدعو إلى الضلال ويكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به. Donc le Cheikh il dit dans ce hadith, donc il dit que on voit que la da'wa c'est quelque chose qui a un grand mérite et qui a un grand bien dedans. Et c'est la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne le verset 108 dans Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique c'est quoi le manhaj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah. C'est quoi sa méthodologie? C'est quoi sa manière de faire la da'wah? Il explique clairement. Il dit, dis ô Muhammad aux hommes, voici mon chemin, j'invite à Allah avec compréhension, avec connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent, c'est-à-dire moi ainsi que les sahaba qui sont avec moi et ceux qui me suivent par la suite également, et subhanallah, que Allah soit purifié, exalté, et je ne suis pas du nombre des mushrikin. Ce verset-là, juste ce verset, si on prend le temps de l'expliquer correctement et en détail, on peut passer des heures et des heures et des heures juste à expliquer tout ce que ça signifie et tout ce que ça implique comme explication, comme règle et comme compréhension et comme réfutation également de tout ce qui est contraire à la da'wah. Quand les ulama expliquent ça, ils clarifient tout ce qui est relié à ce verset. Le Cheikh dit, en ce qui concerne celui qui invite à l'égarement et à la bid'a et aux innovations dans la religion, comme celui qui invite les gens à adorer les tombes et à adorer les tombeaux, alors celui-là, il invite à ce qui est en contradiction avec l'islam, avec la religion. Comme c'est le cas à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, des gens qui incitent les gens à la bid'a et au péché et à la contradiction de la religion. Alors celui-là, il aura son péché et le péché de tous ceux qui l'ont pris comme guide et comme modèle et qui ont suivi sa voie jusqu'au jour de la résurrection. On voit des gens aujourd'hui qui veulent inciter les gens à faire du bien selon eux, selon ce qu'ils ont compris, eux, du bien. Mais ils n'ont rien compris de la sunna. Comme par exemple, la secte qu'on appelle Jama'atut Tablir. Jama'atut Tablir, c'est une secte fondée par un soufi du Pakistan, ou de l'Inde, qu'on appelle Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Et celui-là, il a établi cette secte sur la voie des gens de bid'ah, des soufis. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté? Hein? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Internet un lien. Subhanallah, je suis allé vérifier qu'est-ce qu'il y avait sur ce lien. J'ai trouvé que c'est un autre groupe qui s'inspire de la même méthode que les établir, sauf que c'est un autre groupe de soufis. Un autre groupe de soufis qui se base sur les mêmes idées, mêmes principes que la voie de Mohamed Elias, sauf que c'est une autre tariqa, une autre voie. Ils se ressemblent beaucoup, sauf que eux ils mettent un turban vert. Hein, d'après ce que je constate, on dirait que ce sont des brelouis. Vous savez qu'en Inde, il y a deux grandes voies, deux grandes écoles qui sont très répandues. Il y a les Diobandiya, et les Tablir font partie de cette école en général. Les Diobandiya, hein, ce sont des soufis, ils ont plein de bidas aussi. Et il y a une autre qui s'appelle les brelouis. Et les brelouis, entre les brelouis et les Diobandiya, il y a toujours des conflits. Des conflits. Malgré que les deux sont des soufis, mais les Diobandiya, disons, en apparence, ils ont moins de choses qui sont bid'a que les Breloïa. Donc, les Breloïa critiquent les Diobandiya, et les Diobandiya critiquent les Breloïa. Mais les deux sont sur la voie des tasawwuf et des gens de bid'a. Donc, là, peut-être qu'ils ont vu, quand les Breloïa ont vu que les Diobandiya ont fait tablir, ils ont dit, bon, nous, on va faire un autre groupe aussi qui ressemble à Tablir, eux aussi, qui suivent la même méthode. Et donc, quand j'ai trouvé ça, j'ai vu, subhanallah, il y en a un qui était en train d'expliquer en arabe, il faisait une conférence en arabe pour expliquer qui était leur cheikh et comment ils faisaient leur da'wa et comment ils faisaient leurs affaires, etc. Ils montraient qu'ils avaient des écoles, des centres et comment ils allaient dans chaque pays puis tout ça. Donc j'ai dit bon ça y est, ils ont inventé une autre bid'a encore, une autre tablir. Mohamed Elias Al-Kandahlawi, c'est lui le fondateur de Jamaat Tablir, c'est un soufi qui a établi cette voie sur quatre turq soufiya. Naqshbandiya, quatre turq, quatre sectes soufis, il leur a donné une allégeance aux quatre. Et vous dites, bon, ok, on va pas faire de chicane, on va au lieu de prendre juste une, pour que les gens disent, bon, lui il est avec cette tariqa, malgré que lui-même il était djisti. Mais il a donné une bay'a aux quatre turuq. Comme ça, on vous l'a dit, on ne fait pas de chicane. Tout le monde est avec nous. Oui, on est avec tout le monde. Hein? Et c'est ça les voix des turuq soufis. Et dernièrement, j'écoutais justement quelqu'un qui parlait de Hassan al-Banna et qui mentionnait justement que il faisait partie, par exemple, d'une tariqa soufiya, al-hisafiya. Et qu'est-ce qu'il disait justement à propos de son cheikh dans cette tariqa, supposément, parce que c'était Tariq Ramadan qui parlait de son grand-père en fait, qui est Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan. Qu'est-ce qu'il disait dans cette cassette? Il disait, mon grand-père était dans la tariqa al-hisafiya et son cheikh, il a trouvé un cheikh et lui supposément, il n'enseignait que ce qui est en accord avec l'islam. Il n'y en a rien contraire à l'islam dans sa tariqa. Ça, c'était une condition, supposément. Et puis, une chose qu'il a dit par la suite, et ça, on sait très bien que ce n'est pas possible. Il n'y a pas une tariqa soufia qui est 100% en accord avec le Coran et la Sunna. Sinon, ce ne serait pas du soufisme, on l'appellerait l'islam, c'est tout. Hein? Donc, si ça s'appelle soufisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. Et en fait, tous les éléments qu'il mentionne par la suite, parmi les éléments de ce qu'il a appris, c'est des éléments qui n'ont rien à voir avec l'islam. Comme le fait de, comment il a mentionné, en tout cas il a mentionné les termes, j'ai oublié exact, mais on vous l'a dit, la séclusion, puis le silence, puis il mentionnait des choses comme ça. Ça fait partie du soufisme, mais ça n'a rien à voir avec la sunna. Puis après il a dit, et il nous a appris une chose, c'est de laisser de côté tout ce qui peut nous diviser. Et ça, c'est la voix des gens de bid'a, à notre époque en particulier, que tout ce qui peut, selon eux, causer de la division, ils le laissent de côté. Donc, quand ils voient que la aqidah, ça cause de la division, et le tawhid, pour eux, ça cause de la division, et de parler des détails de la sunna, ça crée, pour eux ça crée de la division, on n'en parle pas. Ils laissent de côté. On parle de quoi? On parle de toute autre chose, sauf des choses de base. Et c'est pour ça qu'ils laissent les gens dans l'égarement. Et que les gens par la suite se perdent dans toutes sortes d'idées et de sectes. Donc c'est ça qui est, ça c'est très dangereux. Donc c'est pas juste d'appeler les gens à faire le bien et de dire aux gens on va faire le bien, il faut être sur la sunna. C'est, parce que sinon il y a des chrétiens qui appellent à faire du bien, il y a des juifs qui appellent à faire du bien, il y a des bouddhistes qui appellent à faire du bien, hein, il y a des athées même qui appellent à faire du bien. Hein, il y a des laïcs qui appellent à faire du bien, à nourrir les pauvres, à donner aux orphelins, hein. Ça, c'est des choses de bien. Mais si tu le fais pas en accord avec la sunna, et si t'es pas sur le tawhid, tout ce que tu fais, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est pas juste de dire, on fait le bien, on appelle au bien, mais c'est d'être sur le haq, et de suivre la vérité. Donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit à des gens, c'est ça qu'ils font. Ils invitent à l'adoration des tombes, hein. Et les gens qui adorent les tombes, parmi les gens qui se disent musulmans, vous pensez qu'ils font pas de bien? Ils nourrissent pas des pauvres, ils n'enseignent pas le Coran, il ne faut pas des écoles pour apprendre aux petits. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et il n'y a pas longtemps, Yannis, subhanallah, en parlant d'enseigner le Coran aux petits-enfants, dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans, subhanallah, les parents, ils donnent leurs enfants à des marabouts. Ils leur donnent quand ils sont tout petits. Eux, ces marabouts, qu'est-ce qu'ils font? Parce que eux, ils s'imaginent que ces gens-là, ils ont de la science dans l'islam, qu'ils ont de la piété, de la religion. Donc, ils leur donnent leurs enfants pour que eux, ils les éduquent en islam et qu'ils deviennent des ulama, qu'ils deviennent des gens qui connaissent le Coran, qui connaissent l'islam. Donc, ils leur donnent l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait ce marabout? Il ramasse ses petits, il les ramasse et les envoie mendier toute la journée. Il leur enseigne même pas le Coran, ni la sunna, ni rien. Ils font juste les envoyer dans la rue. Hein? Tu vois? Le petit, il apprend rien, passe sa journée dehors, à mendier. Et quand il rentre à son soi-disant marabout, s'il n'a pas ramassé assez d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à le battre. Hein? Ils commencent à le frapper. Et s'il ramène trop d'argent, le lendemain, il lui demande le double. Ah, lui, il a ramassé beaucoup. Demain, tu dois ramasser la même somme. Donc, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apprend pas ni le Coran ni la Sunna. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qui dénonce ces choses-là maintenant? C'est les koufars. Ils vont dans les pays musulmans et dénoncent ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces enfants-là et les ramènent dans les écoles des chrétiens, des missionnaires, pour les convertir au christianisme. Ils disent, ah, là-bas, ils nous demandent pas d'argent, ils nous frappent pas, hein, ils nous enseignent ils nous montrent toutes sortes de chansons, ils nous donnent des bonbons, hein. Et là, ils grandissent dans le kouf et dans le shirk et dans l'égarement. Ou bien ça, c'est des écoles missionnaires, ou bien ça, c'est des écoles laïques, des ONG, des gens qui croient en rien. Ils veulent juste, soi-disant, pour eux, ils ont une notion que le bonheur, c'est d'avoir le bien matériel puis de vivre une vie occidentale. Donc, ils enseignent ça aux enfants. Et puis, qu'est-ce qu'ils dénoncent, à part ça, parmi les musulmans? Donc, alhamdoulilah, les gens d'Ahlus Sunnah, ils dénoncent ça. Mais sinon, les autres, ils disent rien. Parce qu'ils se reposent sur la réputation de ces marabouts. Donc ça, c'est des choses qu'il faut clarifier. Et c'est pas les koufars qui doivent venir régler les problèmes, ces problèmes-là dans les pays musulmans. C'est les musulmans eux-mêmes qui doivent clarifier ces choses-là et ramener les gens à la vérité à ce sujet-là. Donc ça, c'est des exemples. Et après, le cheikh, il dit, yad'ou ila ma yukhalifu ad-din. Donc, il dit, c'est ça ce qui arrive de la part des gens de bid'a qui invitent au péché, qui invitent à contredire l'islam, et donc ils auront leur péché et le péché de tous ceux qui les ont suivis là-dedans. Et donc il y a un avertissement contre le fait des gens qui invitent à l'égarement, et il y a également dans ça donc l'avertissement contre les gens qui appellent à la bid'a, et que la bid'a c'est un égarement. Et il mentionne la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapportée selon Jabir ibn Abdullah dans Sahih Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute nouvelle chose est une bid'a et toute bid'a est un égarement, c'est-à-dire dans la religion. Hein? Donc celui qui invite au bid'a et il invite à l'égarement, même s'il prétend que c'est quelque chose de bon ou quelque chose de bien, hein? Toute bid'a est un égarement, même si celui qui le fait, il pense que c'est un bien. Et il y a même une parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui est rapportée justement selon Abdullah ibn Mas'ud. Il dit ça. Il dit اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. Il dit suivez et n'innovez pas, parce que qu'est-ce que vous avez, ça a été qu'est-ce qu'on vous a donné, c'est suffisant pour vous. Et ça dit dans le Coran, dans la Sunna, et il dit et toute innovation est une égarement. Donc ça c'est la fin de ce chapitre. Maintenant, le cheikh il rentre dans un autre sujet. Il dit bab ma jaa anna Allah ihtajaza at-tawba an sahib al-bid'ah. Ihtajaza at-tawbata an sahib al-bid'ah. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du fait que Allah a Allah subhanahu wa ta'ala, il a bloqué ou fermé la repentance pour la personne qui fait la bid'ah. Celui qui fait la bid'ah, il est bloqué de la repentance. Il est suspendu ou empêché de faire la repentance. Hein? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh Al-Fawzan, il dit هذا في بيان الوجوه التي تكون فيها البدعة شرا من الكبيرة فمن الوجوه أن صاحبها لا يوفق للتوبة ويصبر ويصر على بدعته هذا هو الغالب لأنه يرى أنه على حق وأنه مصيب وأن ما عمله من الدين وأنه خير فلا يفكر أن يترك البدع البدعة بخلاف العاصي فإنه يعرف أنه مخطئ وأنه مخالف ويخاف من الله ويتوقع العقوبة فلذلك سرعان ما يتوب أن يتوب العاصي ويخجل بخلاف المبتدع فإنه لا تظهر عليه الندامة ولكنه مسرور ببدعته ويدعو إليها فهذا من مساوئ البدع أن صاحبها يقع فيها ويدعو إليها ومن مساوئ البدع أن صاحبها لا يوفق للتوبة بخلاف مرتكب الكبيرة فإنه كثيرا ما يوفق للتوبة. Donc ça c'est l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Il dit que le titre, quand le cheikh il dit que Allah il a bloqué ou fermé la repentance pour la personne qui fait la bid'ah, ça fait partie des différentes raisons pour lesquelles la bid'ah est plus dangereuse que les grands péchés. Donc il dit pourquoi parmi les points, c'est quoi parmi ces points là, c'est que la personne qui fait la bid'ah, Allah ne lui donne pas le succès de la repentance. Il persiste à faire sa bid'ah. Et ça, c'est en général. Ça veut dire qu'il peut y avoir des exceptions. Ce n'est pas une règle absolue. Il y a des exceptions parfois. Il y a des gens de bid'ah qui se repentent de leur bid'ah et qui reviennent à la sunna et qui corrigent leurs erreurs. Il y en a plein d'exemples de ça dans l'histoire de l'islam. Des gens qui ont été parmi des groupes de bid'ah et qui ont connu la vérité par la suite et qui ont abandonné leur bid'ah, qui sont revenus à la sunna, et non seulement ils sont revenus à la sunna, mais ils sont devenus des défenseurs de la sunna et ils ont écrit des grandes réfutations contre les bid'ah et les gens de bid'ah par la suite. Donc ça c'est possible et ça arrive, mais en général la personne qui est sur la bid'ah, elle va pas se repentir. Et le cheikh il dit il persiste à faire sa bid'a en général, hein, et il considère que c'est lui qui est sur la vérité et que c'est lui qui a raison, et que qu'est-ce qu'il fait, ça fait partie de la religion et que c'est bien. Donc il pense pas à abandonner sa bid'a, contrairement au pécheur. Il sait que qu'est-ce qu'il fait, le pécheur, que c'est un péché, que c'est mauvais, qu'il est dans l'erreur, qu'il contredit la religion d'Allah, et il craint Allah. Et il a peur qu'il aura peut-être un châtiment pour ce péché-là qu'il a fait. Et c'est pour ça que souvent il se précipite vers la repentance de ce péché-là. Et il a honte. Il se sent honteux d'avoir commis ce péché-là. contrairement au Mubtadi', l'innovateur, on voit aucun signe de remords en lui, et au contraire, il se réjouit de sa bid'a. Il est content de faire sa bid'a. Il invite les gens à faire cette bid'a. Et donc ça, ça fait partie des méfaits de la bid'a et des mauvaises aspects de la bid'a, c'est que la personne qui commet la bid'a, il invite les gens à la bid'a. Et parmi les méfaits de la bid'a, c'est que il n'a pas le succès de la repentance. Il ne pense pas à se repentir, contrairement à celui qui fait des grands péchés. Lui, souvent, il va se repentir, parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Hein? Et après, le cheikh il dit « وَهَذَا مَرْوِيٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَمِنْ مَرَاسِلِ الْحَسَنِ مِنْ مَرَاسِلِ الْحَسَنِ يعني qu'est-ce qu'il dit, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il dit que ça s'est rapporté dans un hadith selon Anas, et ça fait partie des marasil de Al-Hassan. C'est-à-dire, c'est une parole qui a été rapportée par Al-Hassan selon Anas, mais il y a des gens qui sont pas mentionnés dans la chaîne. Donc, ça fait partie des catégories de hadith qui sont daif. Et parfois, il y a certaines catégories de hadith mursal. Quand on est certain que la personne qui a été omise de la chaîne de transmission est un sahabi, alors on considère que c'est un hadith qui est authentique. Pourquoi? Parce que le sahabi, il est toujours thiqa, et il est toujours adl, hein, comme on dit à sahaba, kulluhum udul, hein, ils sont tous fiables et authentiques et honnêtes et justes. Le cheikh dit, يعني هذا الأثر أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة هذا مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا ومرسلا عن الحسن. Donc ça veut dire que cette parole que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné comme titre ici, elle a été rapportée par le prophète, attribuée au messager صلى الله عليه وسلم, et également attribuée à Hassan. Et il dit ici qu'on la retrouve, cette parole, dans le livre As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, et dans Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi. Ensuite il dit quoi? Il dit وَذَكَرَ ابْنُ وَضَّحْ عَنْ أَيُّوبِ قَالْ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يَرَى رَأْيًا فَتَرَكَهُ فَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقُلْتُ أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. Ça, c'est une parole de Ibn Waddah. Il dit, selon Ayyub As-Sakhtiani, il dit qu'un homme est venu chez nous, il dit, il y avait quelqu'un chez nous, ou parmi les gens de cette région, qui avait une position ou une opinion quelconque, et qui l'a abandonnée. Quand il dit, il voyait une opinion, ou il avait une opinion, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement, ici, dans le contexte, c'est qu'il avait la position ou l'opinion des Khawarij. Il défendait l'idée des Khawarij à cette époque. Donc cet homme-là, Ayyub, il dit que cet homme, il avait l'opinion des Khawarij, puis il a abandonné cette position-là. Il a cessé de dire ça, il a abandonné les Khawarij, l'opinion des Khawarij. Alors il dit, je suis allé voir Mohammed ibn Sirin, un des plus grands parmi les ulama des tabi'in, qui est né en l'an 33 et qui est décédé en l'an 110 Hijri. Un des imams parmi les salafs, qui a étudié avec plus que 30 parmi les sahaba du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Muhammad ibn Sirin, est-ce que tu sens pas qu'un tel a abandonné son opinion? En voulant dire, est-ce que tu sens pas qu'un tel, il a abandonné la position des Khawarij, il a quitté leur idéologie? Muhammad ibn Sirin a dit, regarde vers quoi il va changer. Parce que la fin du hadith est plus dure contre eux que le début du hadith, en parlant du hadith des Khawarij. Il a dit, ils sortent de l'islam, puis ils n'y reviennent pas. Ça, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari, et il est rapporté selon Abi Sa'id ibn al-Khudri, et rapporté par Muslim selon Abi Zar. Donc, qu'est-ce qu'il dit, l'imam Muhammad ibn Sirin? Il dit, avant de dire qu'il a abandonné son idée, regarde vers quoi il va se diriger après sa bid'ah, après cette opinion ou cette idée qu'il a. Est-ce qu'il va revenir à la sunna ou bien il ne va pas aller vers une autre bid'ah pour remplacer une bid'ah par une bid'ah? Donc, il dit pourquoi? Parce que la fin du hadith, qui condamne les khawarij, il est plus dur que le début du hadith. Parce que le début du hadith dit qu'ils vont sortir de la religion de l'islam. Mais la fin du hadith, c'est encore plus dur. Ça dit qu'ils ne vont pas y revenir. Donc ça veut dire que s'ils sortent, ils ne vont pas revenir à l'islam. Yarhamkallah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « Hada rajul, kan, à cause de la bid'a des khawarij. » La bid'a des khawarij, c'est quoi? C'est les gens qui déclarent les dirigeants musulmans d'être des kuffars. Et qui font le takfir des musulmans qui font des grands péchés. Hein? Ils déclarent les dirigeants musulmans kuffars à cause des péchés que les dirigeants ont commis, ou les individus également, en général, parmi les musulmans, s'ils les voient commettre des grands péchés, ils les déclarent kuffars. Hein? Donc ça, c'est la bid'a des khawarij. Et il y en a qui font des nuances, ils distinguent entre celui qui fait le grand péché et celui qui persiste à faire le grand péché. Et ça aussi, ça fait partie de l'opinion des Khawarij. C'est la même chose. Hein? Il n'y a pas un nombre spécifique de fois que tu peux faire le péché avant que tu deviennes kafir ou non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même, même s'il fait le zina, même s'il vole, « Wa in zana wa in saraq ». Et il a répété ça 3 fois. Donc, pour dire que, même s'il le répète, il le répète, il le répète, il le répète, tant qu'il n'a pas rendu halal, il n'est pas kafir. Tu ne peux pas le faire sortir de l'islam. Ici, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que c'est très sérieux et c'est très strict, très sévère, qu'est-ce qui est dans ce hadith-là, dans le sens que il y a la menace de sortir de l'islam et de ne pas y revenir. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là? Il dit هذا رجل كان على بدعة الخوارج فتركها فسر الذي رآه وفرح وذهب لمحمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين رحمه الله وبشره أن فلانا تحول عن رأيه فما سر ابن سيرين بذلك بل قال له انظر إلى ماذا يتحول لأنه ليس بتارك البدعة إلى السنة ولكن إلى بدعة ثانية هذا من فقهه رحمه الله لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه فابن سيرين لم يتوقع منه التوبة من البدعة ولكن توقع منه أن يخرج من بدعته إلى بدعة شر منها لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه وهذا هو الغالب عليه وهذا مشاهد في خوارج اليوم لو تنذرهم ليلا ونهارا وتنذرهم ما تحولوا عن بدعتهم أبدا هذا شيء مشاهد لأنهم يرون أنهم على حق وعلى صواب ويزينون لهم الشيطان هذا فلا يرون أنهم إلا على حق. Donc le cheikh il explique, il dit que cet homme là il était sur la bid'a des khawarij et puis il l'a abandonné. Et wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc la personne qui l'a rencontré, il l'a vu, il était content, il a dit mashallah, il a abandonné la voie des khawarij, ça c'est bien. Il est allé voir Muhammad ibn Sirin, qui est un des imams parmi les tabi'in, rahimahullah, et il lui a donné la bonne nouvelle. Un tel, il a changé sa position maintenant, il n'est plus avec les khawarij. Qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Sirin, il n'a pas été content lui. Il n'a pas été réjoui par ça. Au contraire, il lui a dit quoi? Il lui a dit, regarde vers quoi il va changer. Hein? Parce que, hein? Parce que il n'a pas abandonné sa bid'a vers la sunna, mais il a abandonné la bid'a vers une autre bid'a. Et ça, ça fait partie de la compréhension de l'imam Ibn Sirin, rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont sortir de la religion, puis ils ne vont pas y revenir. Donc, Ibn Sirin, il ne pouvait pas concevoir la repentance de cet individu-là, de cette bid'a. Mais il pouvait concevoir que, plutôt, il va sortir de cette bid'a vers une bid'a qui est pire encore. Et c'est ça ce qu'on constate souvent en passant de la part des gens qui sont dans cette catégorie de bid'a. On voit qu'ils sont avec les khawarij et ils défendent les opinions et les idées des khawarij. Puis après, si jamais ils quittent, hein, ils quittent vers une autre idée pire que cette bid'a-là ensuite, par la suite. Ça, c'est arrivé souvent. Il y en a parfois, tu les vois avec les khawarij, après tu vois, ils quittent complètement la religion, ils ne pratiquent plus, ils ne prient plus, ils boivent de l'alcool, ils vont dans les bars, ils font n'importe qu'est-ce qui est haram. Et il y en a d'autres, ils sont des khawarij, ils tombent dans la bid'a des murji'a par la suite. Ils vont d'un extrême à l'autre extrême. Hein? Et donc il y en a qui passent comme ça, d'un côté à un autre. Et puis ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Le murji'a, c'est ceux qui excluent les actions de la foi. Ils disent que la foi, ça ne comprend pas nos actions. Donc ça veut dire que quelqu'un, même s'il fait plein de péchés, il a le même niveau de foi que tous ceux qui prient, qui font le bien, qui ne font pas de péché. Hein? Al-Jabriya, il n'y a pas un groupe spécifique qui s'appelle Jabriya, mais c'est une bid'a qu'on retrouve dans plusieurs catégories de sectes. Al-Jabriya, c'est ceux qui disent que nos actions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait. Et qu'on les attribue uniquement aux créatures de manière symbolique. Donc, en fait, ils disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nie la responsabilité des individus pour leurs actions. Et ceux qui défendent cette position-là, ce sont les Jahmiya. Et ce sont également certains extrémistes parmi les soufis qui croient en Wahdatul Wujud, hein, ils disent que on est comme des feuilles, une plume poussée par le vent. On n'a pas de volonté. Et on n'est pas capable de choisir. On n'a pas de choix dans nos actions. Donc si par exemple, ils font un péché, ils vont dire, ah, ça c'est Allah qui a voulu que je le fasse et j'ai pas eu de choix là-dedans. Ça, comme si ça m'a été imposé. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas le voir puis tu lui donnes un bon zoclos sur sa tête. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme un gars, il dit, tu lui prends sa carte de banque, tu vas retirer. Après, il dit, mais hey, pourquoi t'as pris tout mon argent? Je dis, ben, c'est pas moi qui a fait ça, j'étais forcé à le faire. Hein? Et vous connaissez l'exemple de Omar, quand il a coupé la main du voleur, le voleur il s'était excusé en disant, mais c'est Allah qui a prédestiné ça pour moi. Il a dit, c'est Allah qui a prédestiné que je te coupe la main. Hein? Donc c'est comme ça. Hein? Donc en passant le zoclo là, il y en a peut-être qui s'en fasse quoi. c'est quand tu frappes quelqu'un sur sa tête comme ça avec ta jointure là. Cocota, vous appelez ça cocota? Nous on appelle ça un zoclo en Haïti. Il y en a beaucoup de gens de bid'a, ils méritent des bons zoclos sur leur tête. Bon, on fait ça souvent aux petits enfants quand ils sont tannants là. Mais il y en a qui en ont mangé beaucoup quand ils étaient petits. Mais c'est pas bon à faire ça en passant aux enfants là. C'est dangereux en fait. En tout cas, Allah al-Musta'an. Juste dire ça comme ça là, rigoler. Mais bon, pour revenir au sujet, le cheikh dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit, ils sortent de la religion et ils ne reviennent pas. Donc ça c'est en général. Et c'est ça ce qu'on constate même, il dit, chez les khawarij d'aujourd'hui. Si tu les avertis jour et nuit, et tu les mets en garde, et tu les avertis, ils vont jamais sortir de leur bédah. Le cheikh, ils vont jamais changer. Ils vont toujours rester sur leur bédah. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose qu'on on est témoin de ça. Il dit parce qu'ils considèrent qu'ils sont sur le haqq. Ils sont sur la vérité. Et ils croient que c'est eux qui ont raison. Et le shaitan leur a embelli l'idée qu'ils ont. Alors, ils croient uniquement que ce sont eux qui sont sur la vérité. Le cheikh, il dit, « فَلِنْسَانْ لَا يَعْتَرِفُ بِالْ إِذَا لَمْ يَعْتَرِفُ بِالْخَطَأْ فَإِنَّهُ يُبْتَلَى بِمَا هُوَ أَشَدُ وَهَذَا شَأْنُ الْمُبْتَدِعَةِ وَهَذَا مِنْ فِقْهِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنُ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّعُ أَنَّ الْخَارِجِ يَتُوبُ مِنَ الْبِدْعَةِ ولكن توقع منه أن يذهب إلى بدعة أشد وذلك أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا بد أن يقع ما أخبر به الشيخ الزي donc un homme doit toujours reconnaître de la vérité. Et il doit reconnaître son erreur. S'il ne reconnaît pas son erreur, il va être éprouvé par quelque chose de pire encore. Et c'est ce qui arrive aux gens de Bid'ah. Et ça fait partie de la compréhension de l'imam Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, il n'avait pas pensé que ce khariji, ce mubtadi', allait se repentir de sa Bid'ah. Mais il a pensé quoi? Qu'il allait se transformé en une bid'a pire encore. Pourquoi? Parce qu'il a pris la compréhension de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit il sort de la religion et il ne va pas y revenir. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas selon sa passion. Et donc il faut absolument que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit se produise. Et donc ça c'est la réalité de qu'est-ce qui se passe malheureusement parfois de la part de ces khawarij et de ces takfiriyin et de ces jihadi et de ces gens de bid'ah parmi les groupes aujourd'hui qui font les éloges de ces égarés là parmi les ikhwan et parmi les groupes de Hizb al-Tahrir et d'autres. J'ai reçu quelques messages de la part de certains individus en français. Ça a l'air qu'ils commencent à essayer de propager le groupe de Hizb al-Tahrir en français maintenant. Ils commencent à avoir des sites francophones du groupe de Hizb al-Tahrir. Hizb al-Tahrir, un groupe politique, islam, ils suivent la voie des Khawarij, ils font le takfir des dirigeants. Ils ne parlent que de politique. Donc ils sont proches des Ikhwan, mais plus fanatiques encore. Ça, c'est un nouveau groupe parmi les groupes qui sont apparus au début du siècle. OK? Et ça fait partie des groupes d'égarement aussi. Et ils sont plus répandus en Angleterre. Là-bas, ils ont des mosquées, puis ils ont une mosquée, puis ils font des parades dans la rue. Et des fois, ils vont dans la rue, ils disent, on veut l'État islamique, on veut le khilafa, des choses comme ça, c'est eux. Vous allez dans leur site, ils parlent que du khilafa. Ils veulent le khilafa. Ils pensent que le khilafa, ça va se faire comme ça. Ils réalisent pas, Allah musta'an. Ça, c'est peu, Allahu a'lam. Il y a eu beaucoup d'attentats qui ont été faits. Eux, ces gens-là, c'est des égarés, de toute façon. Suivent la voie des Khawarij. Et il y en a qui veulent amener ça dans les sites francophones maintenant. Et ils propagent ça parmi les gens. Tu vois? Et Allah musta'an. Donc, il faut être vigilant et faire attention à ces gens-là. et allez, tous ceux qui font la propagation donc de ces tendances de takfir, et pas juste cette bid'a-là, que ce soit la bid'a des soufis, la bid'a des shi'a, la bid'a des autres sectes, c'est la même chose. Okay, il faut savoir que ces gens-là, quand ils sont pris dans ce genre de bid'a, c'est rare qu'ils en sortent. Le cheikh il dit ensuite, « Su'ila Ahmad ibn Hanbal, an ma'na thalika faqal, la yuwaffaq li tawbah. » On a questionné l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet de cette question, hein, du fait que la personne qui fait la bid'a, elle est bloquée de la repentance. Il dit, ça signifie, l'imam Ahmad a dit ça signifie qu'il ne va pas avoir le succès de la repentance. Il ne va pas avoir le succès de la repentance. Hein, la yuwaffaq li tawbah. Ensuite, il explique cette parole. Cheikh Al-Fawzan, il dit, su'ila an qawlihi. Ah non, c'est, il a été questionné pas au sujet de la parole de celui qui sera bloqué de la repentance, mais il a été questionné au sujet du hadith. Ils vont sortir de l'islam, puis ils ne vont pas y revenir. Donc le cheikh il dit, su'ila an qawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, yamruquna min ad-din, thumma la ya'uduna ilayhi, ya'ni la yuwaffaquna lit-tawba. C'est-à-dire, l'imam Ahmad ibn Hanbal a répondu qu'ils n'auront pas le succès de la repentance. Oui, ça c'est une version du hadith. Yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya. Ok, ils vont sortir de l'arc comme une flèche quitte sa. Ils vont sortir de l'islam comme une flèche quitte son arc. Et il y a une autre version qui mentionne que ils vont quitter l'islam puis ils ne vont pas y revenir. Donc ça c'est différentes versions qui sont aussi authentiques. Et il dit donc que l'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui a posé la question au sujet de ce hadith et il a dit ils vont pas être capables de se repentir ou bien ils vont pas avoir le succès de se repentir ou de faire la tawbah. Et il dit donc يعني لا يوفقون للتوبة لأن التوبة هي الرجوع يقال تاب إذا رجع تاب إذا أو أناب إذا رجع عن خطئه فهم لا يتوبون. Donc le cheikh il dit, quand on a posé la question à l'imam Ahmad au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent de la religion puis ils n'y reviennent pas, il dit ça signifie qu'ils ne vont pas avoir le succès de la repentance, parce que la repentance en arabe ça signifie le retour ou de revenir, donc de revenir à Allah. Donc quand on dit à propos de quelqu'un qu'il a tab, qu'il s'est repenti, ça veut dire en fait linguistiquement qu'il est revenu, et tab ou anab, les deux peuvent être utilisés dans ce sens-là. C'est-à-dire quelqu'un quand il s'est repenti, en fait, en arabe on dit tab. C'est-à-dire il est revenu de son erreur. Donc quand on lit la parole donc yani de l'imam, quand on lit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ils vont sortir de l'islam puis ils ne vont pas y revenir, c'est-à-dire ils vont pas faire la tawba. Ils vont pas être capables de faire la tawba puisque ils vont pas y revenir, donc c'est comme s'ils vont pas se repentir, c'est ça que ça veut dire, puisque la repentance signifie de revenir. C'est la même signification linguistiquement. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va continuer demain la suite inshallah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.